Le coup de cœur d'Élodie sur la première. Salut à toutes, parlons du jardin créole d'antan, riche de savoirs, de couleurs, de senteurs, d'histoires et de traditions. Lors de la journée de demain au domaine Moka à Montgaillard, le jardin créole sera à l'honneur dans toute sa splendeur, notamment avec un champ lexical et des mots parfois oubliés mais qu'il faut sauvegarder. Michael Maillot, directeur du CCE, nous cite quelques exemples. Une rigole par exemple, donc une rigole pour faire circuler l'eau entre les plantations, entre les différents plants, ou une rigole d'haricots, une rigole tipois, une rigole maïs, un carreau, une planche salade, une planche bread. Et c'est un nombre de termes comme ça, très agricoles, très agréables, mais qui ne s'emploient plus et qui reviennent là pour qualifier ces espaces. Il y a aussi le rappel de l'organisation de l'espace avec le pas de porte, le devant de porte avec les fleurs, les tisanes, les herbages. Et puis alors, il y a quoi l'espace dédié aux animaux, à la volaille. Si on reste dans les hauts, parce que moi je suis quelqu'un des hauts, si on traverse le chemin, on a de l'autre côté ce qu'on appelle l'espace habitation. Les légumes, bon, bien évidemment pour l'autoconsommation, mais aussi pour vendre. Et le bœuf poteau pour récupérer la fumure pour fertiliser la terre. Tout ça là, il fait partie de notre bon jardin créole. Demain, on aura un Takon Moon pour cause là-dessus, pour la journée mondiale, la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. Pour le directeur du CCE, il est important que les Réunionnais participent à ce type d'événement. Il y a des temps forts où il y a des sachants qui parlent avec des mots simples, accessibles à tous, dans une pédagogie d'éducation populaire, pour poser les choses, poser des concepts. Et c'est pour ça qu'on conclut la dernière présentation. Ce sont des jeunes qui vont parler. Ce sont les étudiants de l'université qui présentent leur vision de la Réunion. Dans le public qui a été sensibilisé, hein, parce que bon, on a quand même un réseau. Il y a toutes les associations d'éducation populaire qui ont été sensibilisées. CRIJ, par exemple, le CRAJEP, les CMEA, la Ligue de l'enseignement. Nous disons aux jeunes, vous êtes les bienvenus. Et ce ne sont pas des conférences qui s'adressent qu'à un public du temps longtemps, mais ce sont des conférences qui s'adressent à toute la Réunion, à toutes les Réunionnais, connaître des fondamentaux pour construire l'avenir. C'est ça aussi. C'est donc une manifestation intergénérationnelle qui vous ouvre ses portes demain au domaine Moka. Michael Simidomandao de termine avec un mot ou une expression créole que ça vous dirait. J'emploie le mot que le président Ramjetian utilise, encréolisation. Pour lui, l'encréolisation, c'est vous êtes à la Réunion, vous entrez dans une société, un monde créole, une nature créole, donc vous vous encréolisez. C'est un thème comment les Réunionnais s'intègrent pleinement avec l'acceptation de toute leur diversité, de toute leur différence, comment ils s'intègrent dans cette société réunionnaise intéressante et agréable à vivre. Merci à Michael Maillot de nous avoir accompagnés toute cette semaine dans Mon Coup de cœur. Il est le directeur du CCE, Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement. Rendez-vous demain à Montgaillard à partir de 8h30, un zoné pour enlérir notre Gaillard tapis mendiant pays. N'oublie pas Nora Radio Pays sur place avec Claude Montanet et les équipes de Réunion La Première. Bon week-end.